Bonne année. Yes, bonne année à toutes et à tous. Bienvenue sur Couleur Croisée. Il est encore temps de dire bonne année. Bonne année, Axel. Bah ouais, bonne année, Seb. Bonne année à tous et à toutes. C'est clair, plein de bonnes choses. Et puis là, un Couleur Croisée encore rempli de bonnes résolutions. Voilà, on a encore la pêche pour cette rentrée. On est en direct. Il est 21h01. Et ben, ça se passe comme ça. Voilà, tous les mardis soirs, 21h-23h. Voilà, on vous rappelle que l'émission est rediffusée le mercredi pour les noctambules, à partir d'une heure du matin. Voilà, le noctambule, c'est celui qui reste la nuit derrière son poste. À défaut de bouger, aller voir un concert, ben voilà, vous pouvez écouter Couleur Croisée. Donc bonne année, on va en terminer là parce qu'on va pas le redire toute l'émission. Ouais, on va en terminer en le disant, mais on va le souhaiter pendant toute l'émission avec du bon son. On va la souhaiter très bonne, avec plein d'amour, de réussite et surtout de paix. Voilà. Yes, I. Et surtout d'amour pour ceux qui en ont besoin, ceux qui souffrent. Voilà. On vous rappelle que la radio est partenaire. De la Croix-Rouge en ce qui concerne les donations que vous pouvez faire pour la malheureuse catastrophe de l'Asie du Sud-Est. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous brancher sur yvelineradio.com, tous les renseignements sur le site internet. Yes, I. Et donc notre geste ce soir, ça va être de vous donner du bon son. Voilà, de vous donner un peu de bonheur à travers la musique. Positif, exactement, essayer de rééquilibrer tout ça. On va partir 40 ans en arrière sur un album qui a été enregistré en 64. Par monsieur Gainsbourg, Serge Gainsbourg. Voilà, on commencera avec lui cette année. Yes, le morceau s'appelle Coco & Co. Et c'est du bon. En fait, et c'est du bon. Ça, gentiment. Et ben c'est parti alors. Yes, ça. Celui-là qui tapote, c'est un crack, c'est un pote. Lui c'est la fleur de pavot, Coco and Co. Plutôt la Marie-Joanna. Yes, Monsieur Gainsbourg, Coco & Co, un titre qui a été enregistré en 64. Voilà, une époque où ça swingait en fait, hein. C'était assez bien jazzy, sympa, ouais. Très jazzy, très swing. Ouais. Et du swing, j'aime bien faire cette différence, on va passer au groove. Ah oui, avec sur une compile Stolen Moments. Voilà, dont on avait parlé pour Un Bon Geste aussi. Voilà. Qui est là un petit mélange entre funk et jazz, avec une voix féminine et masculine qui vont nous emporter gentiment. Ouais, un début d'émission de façon, hormis le morceau qu'on vient de s'écouter, hein, qui sera assez funky, groove. Ouais, tout à fait. Puis aussi rock, ouais, on va se faire rock. Un très gros prélude. Voilà, rock. Ça on vous réserve la surprise. Ouais, donc restez à l'écoute, hein, ça sera dans une petite demi-heure. Yes, ça. Alors on va s'écouter tout de suite ce petit morceau de funk, avec plaisir. Yes, sur c'est la parti. Compil Stolen Moments. Ambiance funky alors. Yes. Planet whip style. Meanwhile, who came beyond the thug getting popped? A thunder creamy spy wonders, cause sweeter than honey lips money. Yes, monkey see, monkey take, exploit to live high, fly higher, travel lush, off the blackest and freshest, like Mr. Less or Mr. Wild Watts. Simply genius, being the best that I can be in. In a world of negativity, I stay true. From Brooklyn to uptown, see no place the background. Never high post, just coast to the cool sounds. Lost and found in the pounds of homegrown. Kinda funny I'm making money, but rocking microphones. I remember those days in Father Lord's basement, bugging off the peasy headed beats that he was making. I'm creating styles, intelligent yet prevalent through your airwaves. I self-save the ill-behaved. Now I crave a spot where my sprouts can amplify and stay high as we soar the Brooklyn sky. position with razor blade precision. Catch rhythm, relentless how I give them. Turn to the guard request, pass that ism. Is I'm tripping abnormally bad. Shit ain't no devil high as me, I be so placid. Behind the mic meshing like I should be tilted right. Then the beat broke, I filtered and blasted nice. Mix clean, roll with the sick quick team. Chill, hold up, wait a second. Let me tell you for whom and which I got my 16. Those with the mentality for pimping weed. Pick CEOs upon them, my empty DM. Me no tell how I played it. Then blend it to the corners when I get my flow. I'm flying high in the Brooklyn sky. Flying high in the Brooklyn sky. Flying high in the Brooklyn sky. Flying high in the Brooklyn sky. Flying High in a Blue Brooklyn Sky sur la compil Stolen Moments. Mm. Super beau morceau. Ça. Ouais, beau morceau, bien coulant. Yes. Et on va s'agresser un peu plus les oreilles, mais toujours dans le bon sens. Ouais, mais on en a choisi un plutôt cool, plutôt calme, ouais. Parce que dans la famille Beastie Boys, c'est dur. Il y a des morceaux très agités, ouais, c'est clair. Ça, y a pas de problème. Beastie Boys, Un bon groupe des années 90, qui tourne encore, il me semble-t-il. Carrément. Beaucoup moins, mais qui tourne forcément aux États-Unis, quoi. Yes, et puis qu'on marquait leur époque quand même, qu'on donnait un bon style, quoi, carrément. Ouais, un mélange de rock, de guitare bien saturée, de hip-hop aussi, très bon hip-hop avec des bons phrasés. Donc là, on va s'écouter un petit morceau plutôt gentillet par rapport au style, mais on va voir quand même que c'est plutôt actif, gentiment. Ouais, gentiment. Gentiment, ouais, carrément. Gentiment, puisque c'est la nouvelle année et que les machines ont dit il faut les roder, il fait froid. C'est, voilà, c'est le classique. Ouais, ça arrive de temps en temps, gentiment aussi. Donc après ce petit funk, on va passer à Beastie s'ils ont envie de venir. Sinon, c'est pas grave, on pourra toujours enchaîner sur un petit peu plus funky. Ouais, écoute, moi je pense qu'on va se faire ça. Hein, on va enchaîner, enchaîner sur autre chose. Messieurs, par exemple. Messo ou John Forte. Ouais, John Forte, ouais. Voilà, on va se faire John Forte tranquillement. C'est comme si j'étais dans mon salon et tout. Je te fais, vas-y, tu prends un whisky, pose-toi, tu veux écouter quoi, Messo ou John Forte. On va réessayer quand même parce que les Beastie Boys, il n'y a pas moyen qu'on les appelle. Ouais, ouais. Tu l'as essuyé un petit peu, faut attendre deux secondes. Celui-là, il est sévère. il a vécu, les années 90. Attends, j'espère bien qu'il a vécu. Voilà. C'est clair, on a quand même la petite cellule qui passe. C'est super, couleur croisée. Yes, les Beastie Boys, c'est parti. Vous êtes sur couleur croisée. Tu vois, il suffit de leur demander. Ils sont là, il n'y a pas de problème. And you want shot. Thank you. effectivement, yes. Beastie Boys. Ils ont enfin voulu passer. Ils étaient en train de scratcher sur le CD, mais ça marche pas. C'est pas ah non, mais ça y est, hein, ils sont crus sur couleur croisée. Ils se sont dit, c'est la fête, c'est la rentrée. On va leur faire un petit coup de youplabla. Et puis voilà. Non, quoi. Mais, ça, c'est mais non, en fait, non. Gentiment. Bon, on vous ferait écouter ça gentiment aussi. Quoi. on va passer. On va rester au States. Voilà, et puis j'avais déjà dit, ouais. Hein, finalement, il n'y a plus de surprise. Hein, on sait que c'est John Forte. Et ouais, John Forte, voilà. Donc, John Forte, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit gars d'une trentaine d'années qui a participé avec beaucoup d'artistes hip-hop, soul des États-Unis, donc notamment les Fugees. Ouais. Mais tu sais ce qu'il te dit, le petit gars, quoi. Il fait du bon son, quoi, en fait. Il fait du très bon son, ça part un peu dans tous les sens, dans le funky, dans le rock, dans le hip-hop. Voilà, d'une bonne fusion, quoi. Une bonne fusion, exactement. Et là, c'est un featuring qu'on va s'écouter avec Dinah Washington. Yes, très bonne. Voix. voix. Très bonne chanteuse, même précisément. John Forte, What a Difference. Et Dinah Washington. Difference, c'est sur son album Hide John, sorti il y a 2-3 ans à peu près. Voilà, tout à fait. Et là, on va accueillir un grand saxophoniste, en fait. Voilà, l'ex-saxophoniste de James Brown aussi. Voilà. Ouais. Et de James Brown, ouais. Et puis entre autres. Donc en solo, là. En solo, sur son album Funk Overload. Yeah. Très groovy. Voilà, c'est le mot en fait, ouais, c'est le mot pour qualifier ce personnage. Voilà, qu'on vous a déjà fait écouter pas mal de fois en fait, hein, on apprécie. Ouais. Sur Couleur Croisée. Voilà, le roi de la funk, Maceo Parker. Yes. Et ben, on se fait plaisir, il est 21h20. With Elephant's Foot. D'ailleurs, au passage, oui, sais-tu que les éléphants. On est tous les deux là-bas. Oui. Sais-tu que les éléphants sont les seuls animaux à plier les quatre pieds et les quatre jambes quand ils marchent. D'accord. D'accord, c'est bien. Bon, on va pouvoir. D'où peut-être le fait. D'où cette chanson, peut-être. D'accord. Donc, merci Sébastien. T'as regardé Histoire Naturelle cette nuit, en fait. J'ai bloqué sur un documentaire. Non, sur Arte. Sur Arte. Ah, ok. Bah, tu m'expliqueras ça en antenne. Hein, d'accord. Il y a du monde là qui est. C'est vrai ? Ouais. On est là. Bon, alors, Elephant Foot. Ouais, ok. Monsieur Parker. While chilling one day, not knowing what to do, I thought I'd get my friend and go to the zoo. We didn't see an elephant or a cage. Someone had put them all on the stage. There were lumps and bumps and all kinds of grind. You know those elephants wouldn't stay in line. I said, I know just what they need. Let's teach them all to do the Wayman Reed. We practice and practice all day long to teach these elephants the elephant song. They looked at us with tight lips, just kept on moving those big elephant hips. And elephant dancing is a thing to see. And that's when I noticed they were looking at me. I said, come on, elephants, come on, let's go. And that's when one of them stepped on my toe. Ah! Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. You must give elephant a dirty look. Limits. Elephant dancing is a pretty good gimmick. I looked at my watch, it was getting late. It was about time to open the gate. People came in to see the show. Someone said, hey, look, that's Maceo. I said, can I have your attention, please? These elephants are about to dance you down to your knees. They bumped and grind and swayed all day. Started thinking about after the show, hey. I said, come on, it's not time to eat. We got to get the crowd up off their feet. We got to keep going for a while yet. Gotta help the owner out of debt. I said, anyway, after this, there's another show. And again, same elephant, same toe. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. You must give elephant a dirty look. I know what I'll do. I'll feed him some of this. Elephant stepped on it. Elephant's Foot. Voilà, tout à fait. Donc, c'est les bienvenue sur Couleurs Croisées, l'émission animalière, voilà, musicale. Donc on parlait des éléphants juste avant, alors on va parler des cochons, voilà, exactement, qui sont les animaux, hein, qui ont 98% des gènes en commun avec les hommes, voilà. Donc on va s'écouter un morceau qui s'appelle Cochon, justement, après avoir écouté le morceau Éléphant, et c'est Pink Floyd qui l'a composé sur l'album, hein, Animals. Sur l'album. Animals, exact. C'est formidable cette émission, je te jure. Pigs, Three Different Ones. Exactement. Et là, on vous laisse tranquille pendant 10 minutes avec Pink Floyd. Voilà, ça c'est pas une blague parce que c'est un morceau énorme et ça va faire vraiment du bien. On s'est posé la question, est-ce qu'on va pouvoir mettre un format comme ça? On est à la radio quand même, 10 minutes. Et on réserve des formats encore plus longs. C'est énorme, carrément, c'est clair. On va faire une émission avec un seul morceau. Tu vas voir. On le met au début. Au moins avec 2-3, ouais. C'est clair. Donc là, Animals, c'est Pigs, exactement. Pigs. Et vous allez pouvoir fly avec ce morceau de Pink Floyd. Pink Floyd, tout de suite, vous êtes sur Couleurs Croisées. Yeah. Voilà, on a même les animaux de la ferme et les petits. On est tout dans la ferme, hein. Ouais, après ouais. Les éléphants, les cochons. Excellent, Pink Floyd, on a mis l'encens là et c'est parti quoi, c'était énorme. Claire, précurseur, un petit morceau, hein, Pigs, donc sur l'album Animals. Ouais, énorme. Yes. On va revenir à quelque chose d'un peu plus moderne. Voilà, je te laissais le dire. Donc. Ouais, plus traditionnel en tout cas. Voilà. Et encore une rencontre entre deux musiciens, le tromboniste américain Roswell Rhodes et le joueur de kora malien Toumani Diabaté. Exactement, pour un morceau justement jazzy, afro-jazzy, exactement. Ouais, bien trad, hein, bien traditionnel, ouais, avec quand même le balafon derrière. Bien sûr, mais encore dans le métissage. Hein, ah ouais, ouais, complètement. Entre deux continents. Ouais, c'est voilà. Clair. Nickel. Et ben on s'écoute ça donc, Mali le morceau cool. Mali Cool. Yes, c'est cool. Toumani Diabaté, Roswell Rhodes. Pour Mali Cool. Yes. Et on va passer quelque chose de très cool aussi. Hein. Ouais, carrément, qui est un petit trio qui est composé de jazzman à la base, entre autres donc de Didier Malherbe. et qui est un trio qui s'est composé il y a quelques années, vraiment, qui est très très cool. Moi j'aime beaucoup Hadouk Trio, donc. Ouais, on s'est déjà écouté, pas celui-là. Ouais, et on s'est écouté ça à la fin d'une émission, si je me rappelle bien, et donc là on devait quand même de faire l'honneur à ce trio, ouais. quand même. Donc on va s'écouter ça très gentiment, si vous nous le permettez. Ouais, vous êtes sur Couleur Croisée, on est ensemble jusqu'à 23h. Yeah. Et tout de suite, c'est Hadouk Trio. Voilà. Thank you. Adoc Trio. Alors Noël c'est fini, mais c'est passé, mais on peut encore se faire de beaux cadeaux pour passer de belles soirées d'hiver encore en perspective. Yes. Magnifique, n'est-ce pas ? C'est clair, et on va rester dans la petite note jazzy, un peu plus électro. Voilà, avec un petit monsieur qui nous a, qui a fait découvrir et puis qui a amené un style qu'il faut respecter finalement, vu que... Ouais, c'est ce monsieur, c'est Ludovic Navarre. Voilà, exactement, sous-nommé Saint-Germain. Voilà, et maintenant qui tourne sous-nommé, comme tu dis, Soel. Ouais, ah ouais, carrément, ouais. Et qui est beaucoup, qui est bien afro en fait, bien électro afro. Ok. Et donc en fait, c'est justement cette petite version entre l'électro et le jazz qui depuis 10 ans nous fait monter un peu plus en plus de groupes quoi. Hein, ouais, super. Lui ça a été un des précurseurs. Hein. Carrément. Et donc là, c'est pas très vieux. Mais... Non, tout à fait. Mais c'est vraiment en effet un des précurseurs parce que finalement les gens étaient pas trop à même d'écouter ce genre de trucs avant. Et puis lui il a fait commercer. Il a fait connaître. Et puis hop, ça marche. Voilà. Donc là, c'est quoi, c'est Latin Nuts. Yes, I. Vas-y, mets sur play. Latin. Thank you. Mister Saint-Germain. Yes. Voilà. Avec le morceau Latin Note. Voilà, c'était bien électro, justement, un peu move. Ok, il y a ça. Yes. C'était tranquille. Moi, voilà, qui va nous permettre d'enchaîner justement sur les bons plans. Ouais, c'était un peu move, quoi. Donc, ouais. Sur les petits bons plans qu'on vous propose pour la fin de semaine. Voilà, pour tous ceux qui ont envie de bouger et qui ont envie de se remouver quoi, un petit peu. Quoi. Yes. On n'en avait pas fait la semaine d'avant parce que c'était Noël. Et ouais, à la famille, et ouais voilà, quoi. Ça commence doucement d'ailleurs. Hein. Ouais, gentiment. Ouais, ouais, donc on a pas grand-chose pour demain soir. Déjà. Bon, bah alors vas-y, bah, balance-nous le mano parce que... Allez, balance-nous le mano parce que là, s'il y a pas... Faut que je le balance, il était parti à la fête. Aussi. Il était parti à la fête. Il est parti déjà. En vacances, quoi. C'est parce que demain soir, il y a une super soirée, mais on veut pas vous le dire en fait. C'est pour ça. Non, la grosse soirée, ça sera quand même vendredi soir. Mais ouais. Ça, mais ça, c'est une surprise quand même. C'est une surprise. Ouais. Mais on leur dira quand même pour leur surprise. Ouais, ouais, peut-être qu'on fera péter un bouchon et tout pour la surprise. Ok. Alors, ça va être nickel. Yes. Et donc l'agenda couleur croisée donc commence directement par jeudi. Et bah ouais, jeudi avec jeudi 6 janvier avec le Garage Rigaud. Ça se passe à la Guinguette Pirate. Donc Garage Rigaud, c'est un peu musette rock avec des bons textes. Voilà, c'est français. Allez-y, c'est pas cher, c'est 6€ et c'est dans le 13e arrondissement sur les quais à partir de 20h30. Voilà, alors moi j'ai un super groupe et je te prononcerai jamais son nom parce que j'aime pas apprendre. Non, c'est super, c'est les Sgabounistes. Ça c'est vendredi voilà. Alors. Voilà, ouais. C'est vendredi, il y a les Sgabounistes à la Guinguette Pirate. Ouais, mais en fait les Sgabounistes c'est des mecs qui sont à la gratte, qui reprennent tous les thèmes de Django Reinhardt. Yes. Sauf qu'ils chantent par-dessus. Voilà, voilà. Ils sont assurés quoi. Mm. Alors pour 6€ à 20h30 à la Guinguette Pirate, au même endroit toujours. Mm. Yes. Les bons plans, je te jure, en tête. C'est genre, ouais, bon, les bons plans vite fait, quoi, tu vois, on t'est balancé. Non, ça c'était soirée guinguette, c'était soirée guinguette. On n'y croit pas, quoi. Si, après, là on y croit forcément parce que c'est The Last Poet, vendredi soir, hein, je vous le rappelle, 7 janvier. The Last Poet, donc les précurseurs du rap, on va dire, franchement, c'est eux, The Last Poet, au triptyque, voilà. Dans le 2e arrondissement, métro Bourse, à partir de 19h30 pour le prix de 15€. Ça risque d'être un peu blindé, c'est clair. Ouais, ça va être blindé, ouais. Voilà. Si vous avez pas réservé, c'est mort, quoi. À moins d'arriver vraiment à l'heure. Ce qui est chaud pour un vendredi soir. Voilà, alors si t'arrives pas à l'heure, t'as un sound system. Reality International avec Ratio, ça, avec Temba, Sowell, Drena Fall. Mm. Et c'est à la Péniche Alternate, vous connaissez tous, c'est aussi dans le 13e. Et c'est à partir de 23h, donc tu vois, t'as le temps. Ouais, c'est le Noël Rastafarien. Ouais, exactement. Voilà, C'est juste après, c'est pour ça, tu vois. Ouais, bonne soirée, hein. Voilà, franchement. Et pour moi, c'est le gros plan du vendredi, quoi. Ouais, vas-y, hein. On passe au samedi 8 janvier. Premier bon plan, c'est Big Family Live, accompagné par My Band. Donc un mélange de reggae, raga. Ça se passe au Cabaret Sauvage, dans le 19e arrondissement, pour le prix de 18€. Sauvage. J'espère que c'est bien. Hein. Ouais, il y a un terrain. Il y a un terrain, justement, qu'il faut exploiter. C'est Corinoso. C'est du jazz brésilien. C'est basé sur l'improvisation et le mélange de la culture africaine et européenne. Donc, c'est intéressant. Et c'est à la Guinguette Pirate, encore. Tu vois, on a que les plans Guinguette Pirate. Ouais, cette parce qu'ils sont actifs, hein, pour la rentrée. Ouais, c'est clair. Bah, envoyez-nous vos plans, Guinguette Pirate. Et c'est à 20h30, donc 6€, ok. Samedi soir. Ok, d'accord. Eh ben, on passe avec un mélange de dub et de salsa. C'est le groupe Alma à l'Olympique Café dans le 18e arrondissement à partir de 20h, toujours samedi soir, pour le prix de 7€. Yes, et un hommage à Bob Marley, voilà, qui se passera au réservoir, donc dans le 11e, toujours samedi soir à partir de 22h30 pour 10€. Et ce sera Generation Sound. Ça. Bonne soirée cool. Ouais. Et les Ocho immédiats qu'on vous a déjà passé, mais salsa parisienne. Enfin parisienne parce qu'ils sont issus de Paris, mais vraiment la salsa qui dégage, ça sent le soleil quoi. Yes. Pas comme ma voix quoi. qui est tout enrhumée et tout. Non mais là il y a un problème là. Ça se passe à la petite entreprise donc à Marly-le-Roi dans le 78, juste à côté, à 20h30 pour le prix de 7€. Bon, je vais faire un petit thé au citron chaud là, tranquillement, juste en vous disant que dimanche soir, si vous voulez encore sortir, il y a un sound system à la Bracadabar dans le 19e pour 3€, c'est vraiment bah, c'est sortir, cool. Quoi. Oui. Donc un petit thé au citron. Allez, Je te mets ça pendant qu'on s'écoute un petit. Oh, allez, un... oh, allez, on va être cool. Hein. Steel Pulse. Un genre Steel Pulse à l'ancienne. C'est le Answers Revolution des vacances. C'est-à-dire, quand t'es parti en vacances, je suis sûr que tu t'es mis cette cassette. Elle faisait du bruit. Elle était. Ah. Mais elle était tellement bonne, tellement groovy. Tellement roots, surtout cet album. Yes, I, c'est clair. Ce qui fait qu'on va se remettre Prediction. Ça va nous rappeler vraiment du soleil. Et là, ça va faire partir ton mal de gorge. Ouais, ouais, t'inquiète. C'était l'agenda couleur croisée. Si vous avez rien compris, vous pouvez toujours nous appeler au 01 39 16 86 47. Et on vous redonnera les bons plans. Voilà. Voilà, ou sinon, vous pouvez ne pas sortir cette semaine. C'est aussi. Aussi, ouais. C'est aussi et vous soignez. Voilà. Bonne soirée à vous. Si vous nous écoutez, en tout cas, il est 10h. Voilà, il est 10h. Et puis, c'était le petit clin d'œil couleur croisée. Yes. Pour s'écouter maintenant du sérieux. Steel Pulse. Prediction. Prediction, yes, I. ask Elisha. Steel Pulse. Prediction, yes. Quelle belle note d'espoir, c'est nickel. Quel beau morceau, ouais. Ouais, c'est clair, hein. Ouais. Franchement. Et si on passait à du reggae, roots, toujours. Toujours, avec un bassiste. Un grand monsieur, ouais. Ouais. Ah, un batteur, pardon. Ouais, ouais, batteur. Qui faisait partie donc, ouais, de Sly and Robbie, entre autres. Et donc, c'est lequel entre Sly et Robbie? C'est Sly Dunbar. Ouais. Sly Dunbar. Sur son album Sly Wicked and Slick. Yes, I. Et le morceau Mr. Music. Yes, c'est du bon, c'est du root, c'est, ouais, toujours sur Couleur Croisée. Sly and Robbie, Voilà. Et on passe à Black Foundation in dub. Avec le morceau Nubia. Toujours dans le route sur Couleur Croisée. Les Black Foundation in Dub. Yes, avec le morceau Nubia, toujours dans un petit quart d'heure reggae. Ouais, bien dub, et on va rester dub, mais plutôt fusion, yes. Avec un groupe français. Labo, voilà, yes. Alien Attack sur Couleur Croisée. Écoutons-nous ça. Yes, c'est parti. Al Taré. On aura compris le titre. Hein. Excusez-nous, c'était pas de notre faute, ils m'ont enregistré comme ça. Hein. Alien Attack, vous êtes toujours sur Couleur Croisée, on est ensemble jusqu'à 23h. Voilà, et on va se faire un petit plaisir maintenant, on va se réveiller gentiment, petit à petit, comme si on vous donnait un petit peu la recette pour se réveiller le matin, dans l'ordre comme en ça, fait. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Voilà, les trois prochains titres, ça va être la matinée type, en fait, voilà. On se lève, on se réveille, allez, boum. Boum, enchaîne-toi un petit highlight. On s'arrache, quoi. On s'arrache. C'est parti. Avec Indian Trance, très bon choix, monsieur. Ouais, Indian Trance. Voilà. Et on vous rappelle que l'émission est rediffusée mercredi dans la nuit, de 1h, à partir d'une heure du matin. Voilà, pour les noctambules, comme on a dit. Yes. Et donc Indian Trance, hein, justement, pour les noctambules. Voilà. Ce sera vers 2h et quelques du matin. Ouais, à peu près. Ouais. Ça va 2h20. Mais tu vas voir ce que ça va donner. À peu près, ça donnera ça. À peu près, ça donnera ça. Yes, Highlight Tribe. Indian Trance. Voilà, dans le schéma type de la matinée, tu te réveilles comme ça, tu vois, t'es encore dans tes rêves, un petit peu dans la trance indienne, là, les sons des Indiens. Puis d'un seul coup, tu ouvres ta fenêtre. Bah ouais, tu te rends compte que t'es sur couleur croisée. et que tu vas enchaîner deux titres. De quelque chose qui va te donner envie de qui de rappelle dire, une certaine époque, ouais. Bah ouais, voilà, un petit peu genre, t'ouvres ta fenêtre, tu te dis, bon, ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je vis où là? C'est quoi ce gris là? Pourquoi il n'y a pas du vert partout et tout, tu vois? Alors, t'as envie de te mettre ça, Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. C'est un petit peu le retour, quoi. Ce qui est totalement différent de ce qu'on a en fond musical, hein, mais c'est pas grave. Ouais, tout à fait, c'est clair. Là, ça faisait un petit coup de calme. Mais c'est ça qui est bien, couleur croisée, justement. C'était prévu. Et le morceau, c'est Take the Power Back. Voilà, celui-là, et c'est du bon, c'est du puissant. Alors, ouais, quand tu ouvres ta fenêtre le matin, bah, tu te mets ça, ça te permet de te prendre. Voilà. Et juste après, on s'écoutera le morceau qu'il faut s'écouter quand tu te laves les dents. C'est clair. Ou quand tu vois ton boss. Aussi, ouais. Là, c'est Take the Power Back. Yes, I rage against the machine. The students' eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. You're up, ain't my rope to swing on. C'est clair. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais yes. C'est clair. Non, c'est clair, pas le moment de dormir, vous êtes sur couleur croisée. Ouais, et toujours pas, puisqu'on va continuer avec Rage. Ouais, c'est clair, ouais. Ça va être du sérieux, du lourd. Et ça, c'est un cri, c'est la liberté. Et donc le cri, hein, pour, enfin le cri, le morceau qu'on s'écoutera en se lavant les dents, Freedom. Voilà, ouais, on y reste. Hein. C'est exactement ça. Donc justement, la liberté, ça c'est un peu le truc, bah écoute, et puis tu verras, tu comprendras mieux. Freedom. Alors là, faut se lâcher, hein, sur ça. Là. Non, ouais, c'est clair. Vas-y, réveille-toi maintenant. Ouais. a gift. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'était Rage Against the Machines. Et c'est... certains se diront. Ça fait du bien. Hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette musique de sauvage? Mais là, c'est une bonne dizaine d'années, ça a pas vieilli. Rage Against the Machines. Mais il y en a certains qui disaient la même chose de Jimi Hendrix hein, quand il éclatait son ampli à la fin. Et c'est un petit peu la même chose. Et finalement, il y a beaucoup de finesse là-dedans. Ah non, on a tout pété à la radio aussi, faut pas croire. Là, les micros, là, ils se. Là, ceux qui vont venir demain, ils vont être mal quoi. Ils vont péter les vitres, les portes. On va se faire engueuler, mais c'est pas grave. C'est la rage contre la machine, c'est normal. Ah, en tout cas, Freedom, c'est ce qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année. Voilà, beaucoup de bonnes choses, et puis ça va se construire petit à petit. Alors, pour ça, on va s'écouter un petit thème magnifique. Hein, voilà. On va changer carrément. Magnifique. On va revenir à la compile, en fait, Stolen Moments, qu'on s'est écouté en début d'émission. Et on va enfin s'écouter le thème, le vrai thème, Stolen Moments, qui est justement un thème jazzy à la base. Et là, on va l'écouter entre le jazzy et le moderne, quoi, vous allez voir. C'est parti, alors, Stolen Moments. Magnifique. Du même nom pour le morceau. Du même auteur. Pour et du même auteur. Tout à fait. Oh, Alan Moments. Voilà, super. Vous êtes toujours sur Couleur Croisée. On est ensemble, allez, pour un petit quart d'heure. Exactement. Oui. Yvelines Radio 88.4, on le rappelle. YvelinesRadio.com aussi, le site internet. Voilà. Ouais, voilà. Je vous rappelle tout, là, c'est magnifique. Ça, ouais, on vite fait, parce qu'on est quand même là pour écouter de la musique. Bah ouais, quand même. Quand même. Et on va rester dans le jazzy. Ouais, clair, avec quelqu'un qui a bien mixé entre les scratchs et le jazz, qui est Courtney Pine, en fait, un saxophoniste. Et c'est assez hallucinant. Vous avez déjà fait écouter une fois, et là, ce soir, ça va être de nouveau magnifique. Ouais, le morceau s'intitule In the Garden of Eden. Yes, donc dans le jardin d'Eden, donc ça, forcément, ça laisse tout imaginer. Yes. Alors accrochez-vous et bonne soirée à vous. Courtney Pine. Fire. Yes, voilà, c'était Courtney Pine avec The Garden of Eden. Exactement, c'est ça fait du bien ce petit morceau. Paix, carrément, ouais, ouais. Pour 2005, 2+5, 7, c'est super, j'adore. Voilà, vous êtes sur Couleur Croisée, on vous le rappelle. On va partir avec un groupe français. Yes, pour finir, gentiment. Hein, avec Belle de Berry à la voix. Comme tu dis, ouais. Voilà, Paris Combo, du swing, manouche, voilà. Jazz. C'est, on peut le qualifier comme ouais, ça. Ouais, avec une voix de crooner. Ouais. Bah là en plus, ouais, ouais, là, y a un homme qui chante. Je crois non, que c'est mais le... je parlais de toi, c'est toi qui as une voix de crooner ce soir. À ce point-là ? Ouais, je trouve. Ouais, j'adore. Ouais, Paris Combo, ça assure carrément plus, carrément. Vous allez voir. Donc ouais, c'est ouais. Pas à pas. Pas on à avancera. Pas. Yes, on avance, on avance. Depuis longtemps, je ne sais pas où m'amène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. C'est le chemin le plus beau qui en a tenté plus d'un. Le mien se fait au sabot que je pose tous les matins. Au gré des embruns, ce monsieur fait ce qu'il peut. Madame sait pas si elle doit. Un enfant qui ferait mieux de grandir comme il le croit. Un cheminot sur des rails qui regarde passer les vaches. Une perle dans un sérail qui ne veut plus qu'on l'attache. Un antiquaire amoureux qui soudain se trouve trop vieux. Y'a déjà du mieux, on verra. On verra si ça vaut pas le coup d'œil là-bas. Juste un peu plus bas, on verra, on verra. On voit bien que ça ne va pas, non, les pas qu'à danser. Mais c'est pas compliqué, c'est pas comme ça qu'on va danser. Depuis longtemps, je ne sais pas où me mène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. Certains semblent être poussés par de grands vents d'idéaux. D'autres se restent. Ces pauvres matelots n'ont pas le vent dans le dos. Ce monsieur fait ce qu'il peut, madame est sûre de son droit. Un enfant qui fait des envieux dès qu'il pose ses premiers pas. Un fakir, un prothésiste qui se trompe et qui insiste. Un éléphant blanc de blanc qui, comme il peut se défendre, pour ses défenses aériennes, c'est de qu'il considère sienne. Faudrait lui laisser, on verra si ça vaut pas le coup d'œil là-bas, là-bas juste un peu plus bas. On verra, on verra, on verra. On voit bien que ça ne va pas, non, on n'est pas qu'à danser, mais c'est pas compliqué, c'est pas comme ça qu'on va danser. Je ne sais pas où me mène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. C'est le chemin le plus beau qui en a tenté plus d'un. Ce fameux sentier battu qu'on a battu comme des chiens. Mais pour tous ces pas à pas, un quatre pas dans les broussailles, qu'on fera des trouvailles. Le coup d'œil là-bas, là-bas juste un peu plus bas. On verra, on verra, on verra. On voit bien que ça ne va pas. Non, on n'est pas qu'à danser. Paris Combo, pas à pas. pas à pas, voilà. Et pas à pas, on va terminer cette émission aussi en vous souhaitant donc cette merveilleuse année qui commence. C'était la première de Couleurs Croisées. Voilà, pour cette année 2005, plein de bonheur à vous. Une année de plus, et ouais, on n'arrêtera pas d'avancer. Prudence sur les routes, hein, si vous nous écoutez en voiture. Prudence dans vos vies aussi, et si vous nous écoutez dans vos oreilles. Yes. C'est clair. Non, mais soyez bien, continuez comme ça, et puis soyez de plus en plus nombreux, comme vous l'êtes déjà. Voilà, donc c'était Couleurs Croisées. L'émission est rediffusée, on le rappelle, demain soir, mercredi, à partir d'une heure du matin, jusqu'à 3h donc. Voilà, et nous étions en direct jusqu'à 11h, de 21h à 23h donc. Et on va se quitter avec IAM, qui est un super petit groupe, et un titre qui est... Libère mon imagination. Libère mon imagination. Yes. Car il est né dans un champ de coton. Voilà. Donc c'est un petit message gentiment à la fin. Et puis, encore une fois, yes, bonne année. Bonne année. Yes, I. Bon, allez, continue. À la semaine prochaine. À la ciao, semaine prochaine, yes. Le tempo, libère mon imagination, me rappelle comme la musique est née dans un champ de coton. Le tempo, libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton. Le tempo, libère mon imagination, me rappelle comme ma musique est née dans un champ de coton. Le tempo, libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton. Le tempo, libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton. Le tempo, libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton. Les cinq sens bien affûtés, je suis prêt, la musique fait son entrée dans ma tête et je me laisse guider. Je me retrouve dans un endroit où tout est blanc, est-ce le paradis? Pourtant une odeur de sang flotte juste au-dessus du chalet ouvert qui guide ma plume et mon esprit dans ces quelques vers pour chaque mot gravé. Une goutte de sueur de ceux qui sont tombés dans ces champs de malheur. Leur vie ne tenait qu'à une chaîne, mais leurs âmes libres planent aujourd'hui dans les plaines. Ils ont passé leur vie entre la mort et l'amour. Ma couleur de paume le rappelle tous les jours, ouais. À chaque fois que le tempo libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton. Le tempo libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton. L'île de Corée, à l'origine de ma plume, de mon rythme résonne de plaintes sinistres qu'on entend dans nos versets. Dans ces compositions exercées, sortent de la bouche d'un sage aux narines percées, qui ramassait dans sa vallée des poussières du ciel. Destin bouleversé dans les cales d'un négrier, corde au cou, l'odeur de mort s'est perdue sur la mémoire d'alors et chaque